pas là, elle dit allô, allô. J'suis pas là, elle dit allô, allô. J'réponds pas, elle dit allô, allô. Avec elle me dit allô, allô. Regarde-moi, regarde pas mes amis. Mon cœur s'en va car il est hors de prix. Regarde-moi, regarde pas mes habits. Là j'suis gavé, ce soir j'arrête de taper. J'repense à ce que j'avais, ce que j'aurais pris, ce qu'ils m'ont appelé. Sors de là ma belle, car c'est le bordel dans ma tête. Chaque fois que j'te vois j'me fais du mal, l'histoire fait que se répéter. J'suis encore moisi de la veille, et tu j'pense qu'à la paix. J'lui ai dit que j'voulais des lobes et j'réponds plus à ses appels. Et tu me verras plus qu'à la télé. J'suis désolé ma belle, j'avoue des fois j'suis fêlé. J'suis pas là, elle dit allô, allô. J'suis pas là, elle dit allô, allô. Je réponds pas, elle dit allô, allô. Avec elle me dit allô, allô. Ah, non, non, non, non, non, il laisse-moi dans mon monde. Non, non, non, non, non, il laisse-moi dans mon monde. Non, non, non, non, non, il laisse-moi dans mon monde. Toujours plus je reste pas sur mes acquis. Je la calcule pas, elle se sent larguée. Je veux toujours plus je reste pas sur mes acquis. Cette histoire me prend la tête. On dirait que je suis sous scellé. Les tu pars dans la tête. Le bien, le mal, ils me sont tous mêlés. Ce soir je suis seul sur la terre. J'aimerais que vous compreniez. J'ai fait du chemin et je me suis pas plaint quand j'ai saigné. Ma douleur se brutalise. Je veux remplir l'enveloppe et mon cœur se cristallise. Remplir l'enveloppe. J'suis pas là, elle dit allô, allô. J'suis pas là, elle dit allô, allô. J'réponds pas, elle dit allô, allô. Avec elle me dit allô, allô. Ah, non, non, non, non, non, il laisse-moi dans mon monde. Non, non, non, non, non, il laisse-moi dans mon monde. Non, non, non, non, non, il laisse-moi dans mon monde. Laisse-moi dans mon monde. Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non